Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et aussi à 23h si vous avez loupé le début. Cette semaine, l'école républicaine au péril des inégalités, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a cet éternel mois de septembre où l'on retrouve encore parfois des herbes sèches au fond de ses poches ou dans les ourlets des pantalons. Pris entre la nostalgie de l'été et les résolutions de la rentrée, ça sent les cahiers neufs, les soirées à couvrir les livres et les marronniers. Mais il y a surtout une devise, gravée sur le fronton des écoles et qui semble souvent perdre de son sens. Alors pour commencer, les personnages. Des mères d'élèves pas dupes, des fonctionnaires qui s'y collent, des parents soucieux de la mixité sociale, un proviseur qui s'accroche, des parents qui ne veulent pas porter le chapeau, une proviseure déterminée, des élus qui ont reculé, un chercheur qui évalue et des parents et la prunelle de leurs yeux. Ensuite, le décor. De l'amertume, des collèges qu'on qualifie de difficiles, des désillusions, des archives, des ZEP, des stratégies d'évitement, des expérimentations, le 18e arrondissement, des collèges abandonnés, des convictions fermes ou vacillantes, des concertations, de l'idéologie et des chiffres cachés. Aujourd'hui, 3e épisode, on arrive en pleine réunion de parents d'élèves. Bon, le collège, maintenant je suis déléguée de parents d'élèves, élue au conseil d'administration. Le collège, il y a un mauvais cliché, parce que pourquoi ? Avec des familles étrangères, maghrébines, africaines. On demande une mixité sociale, on dit mais non, on ne parlait pas de ça. Mais si, il y a un réel problème, on met les mêmes catégories de population dans les logements, ça crée des ghettos, et ces gens-là, ben, on les retrouve dans les écoles. Alors, où est Jean, Pierre, Paul ? Il est dans l'autre côté, ou je ne sais quoi. Nous, c'est Mohamed, Mamadou, toujours ici. Et quand on va à la mairie, on parle de sectorisation de la carte, on dit oui, mais vous savez, ça demande 3 ans, il y a une commission, on nous mène toujours en bateau. Donc, il y a une espèce de frontière. Donc, il y a un réel combat. On nous écoute, mais ils n'appliquent pas forcément. Pourquoi nous, on n'est pas écoutés ici ? Pourquoi ailleurs, ils sont écoutés ? Quand l'école républicaine fabrique les inégalités sociales, une mixité imposée par l'État, par Alain Lefkovitch et Vincent Deck. C'est comme si on disait, bah toi t'es noir, toi t'es arabe, tu étudies ici, en zone d'éducation prioritaire. Moi ça par exemple, j'assume ces paroles-là, mais je pense qu'ils se servent des collèges dits sensibles pour une formation pour les professeurs. Ils viennent faire leur expérience, pas tous, hein, certains. Hein. Il y en a certains parce qu'ils doivent avoir un nombre d'années pour pouvoir être mutés ailleurs et un nombre de points. Donc il y en a certains qu'on a entendu, oui, moi je viens faire mon expérience ici, mais après je m'en vais dans un autre quartier, on va dire en chic et choc, entre guillemets. Ça veut dire que pour eux, c'est juste un passage. Donc il y a un turnover de directeurs, turnover d'enseignants. Par exemple, si au collège Jean Perrin, et ben quand ils regardent, ils entendent des choses négatives. Oh, c'est pourri, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de familles, nanana. Il y en a qui ne viennent pas, ils se mettent en maladie directe. Hein. Ils ne viennent même pas, les professeurs ne prennent même pas la peine. Il est déjà en maladie, hein, longue durée. Personne pour le remplacer. Donc on ramène quelqu'un qui n'a aucune expérience dans l'éducation nationale, qui vient de Rouen, c'est le prof de technologie. Moi, je donne, voilà. On fait comment ? Le premier trimestre a sauté. Moi, je voulais dire, l'école d'aujourd'hui, c'est ça. L'école dans les quartiers populaires, c'est une bataille. On est obligé de batailler, de nous faire entendre, de taper plus fort pour juste avoir le minimum. De l'autre côté, comme je dis toujours, il y a toujours cette comparaison entre les quartiers populaires et les quartiers bourgeois. Les bourgeois n'ont pas, je crois, ces difficultés au quotidien parce qu'ils savent très bien que papa est je ne sais quoi, maman est je ne sais quoi, ou soit c'est les écoles privées, on paye. Alors, l'inégalité, elle existe. La chance pour tous, moi j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Non. La chance pour tous, non, moi non plus, j'y crois pas. Moi je vous dis, l'éducation nationale est malade. Hein. C'est la chute libre. On va aux enfers. Là, c'est plus l'école d'avant. Hein. C'est plus l'éducation d'avant. Hein. Les mères de famille au franc-parler appartiennent au conseil citoyen du 20e arrondissement de Paris. Ils réclament à corps et à cri à la mairie un peu plus de mixité. Mixité sociale, mixité scolaire, ingrédient indispensable au vivre ensemble républicain. Un idéal auquel elle ne croit plus. Comme si, moins par moins, ça pouvait faire plus. Si c'est vrai en mathématiques, dans la réalité, ça creuse les inégalités. D'où cette idée simple et prosaïque, pour créer de la mixité scolaire là où il n'y en avait pas naturellement, on allait forcer les choses et mélanger les élèves. Les bons, les mauvais. Comme dans le 18e arrondissement de Paris, où une expérimentation est menée en ce sens depuis la rentrée 2017. Initiative qui ne cesse de provoquer clivage et crispation entre ceux qui peuvent acheter le parcours scolaire de leurs enfants afin d'échapper à un modèle qu'ils jugent inefficace et les autres contraints de fréquenter l'école que la carte scolaire leur impose. C'est l'un des territoires les plus contrastés de France. Des HLM et des façades bourgeoises qui se tutoient à tous les coins de rue. Dans le 18e arrondissement de Paris, chaque matin, des habitants d'origine modeste et des cadres supérieurs empruntent les mêmes trottoirs. Mais cette mixité sociale, les collèges publics n'en sont plus le reflet. À moins de 700 mètres d'écart, ces deux établissements sont un parfait exemple. Antoine Coysvox, 11% seulement d'élèves de milieu modeste. Hector Berlioz, 47%, 4 fois plus. À quelques pâtés de maison, pourquoi un tel contraste ? L'explication, c'est que de nombreuses familles refusent d'inscrire leurs enfants dans ce collège, en zone d'éducation prioritaire, un établissement réputé difficile. Avec la fuite des familles aisées, les résultats au brevet plafonnent déjà 20% sous la moyenne parisienne. Alors comment remettre ces deux collèges à égalité ? Pour y parvenir, la mairie de Paris a décidé d'employer les grands moyens. Les secteurs des deux collèges seront fusionnés et les élèves mélangés. Un brassage synonyme de mixité scolaire pour les élus, mais un mariage forcé. Le pari n'est pas encore gagné. Luc Femme, vous êtes en charge de la question des lycées ici au ministère de l'Éducation nationale. Alors pourquoi avoir mené à la rentrée 2017 une expérience dans le 18e arrondissement qui a consisté à mélanger les élèves de deux collèges, le collège Coysvox et le collège Berlioz, pour créer une mixité scolaire à l'image de la mixité sociale qui règne dans cet arrondissement de Paris? Il fallait à tout prix créer de façon artificielle cette mixité scolaire? Oui, alors l'idée, elle n'est pas née seulement de l'analyse de ce quartier, mais d'une réflexion au niveau national, avec l'idée sans doute qu'il était utile dans notre société aujourd'hui, notamment après les événements qu'on avait connus, Charlie, etc., qu'il fallait une mixité sociale dans les quartiers pour éviter le développement de ghettos, d'une citoyenneté qui n'ignore pas son voisin, et puis la tentative pour contrarier quelque chose qui est très très marqué à Paris, c'est une ségrégation sociale extrêmement forte. L'académie la plus ségrégée de France du point de vue scolaire. Et donc l'idée c'était d'impulser une mixité qui aille croissante. Et évidemment, ça se fait contre un mouvement assez naturel qui fait que les familles ont tendance à se regrouper avec des gens qu'ils connaissent, de même milieu, en particulier sur une ville comme Paris. C'est sans doute d'aller vers un entre-soi croissant s'il n'y a pas une politique publique qui va à l'encontre de ça. L'idée forte quand même, et qui est continue depuis plusieurs années, c'est de faire en sorte que la fonction d'ascenseur social de notre école retrouve ce qu'elle a pu être par le passé. On voit bien qu'aujourd'hui, ce que traduit la corrélation milieu social et réussite scolaire, c'est qu'en France, elle est extrêmement marquée, et plus qu'ailleurs, et donc ce rôle d'ascenseur social, on doit s'y attaquer en continu, et à Paris en particulier, on doit s'y attacher parce que Paris pèse lourd dans la France, et Paris est l'académie qui creuse le plus les écarts, qui conduit les élèves excellents au plus haut niveau, mais qui laisse sans doute plus qu'ailleurs des enfants sur le côté. Et ça, c'est notre rôle d'éviter cette dérive. Dans ce 18e arrondissement de la capitale, il y a les partisans de ce projet rassemblés autour du collectif Apprendre Ensemble, créé par des parents d'élèves, qui ne souhaitent qu'une seule chose, que la mixité scolaire soit à l'image de la mixité sociale de leur quartier. En fait, notre quartier, qu'on aime beaucoup, hein, qu'on y est depuis longtemps pour certains d'entre nous, est très mélangé, très mixte comme on dit. Et en fait, on était un peu naïfs au début, on s'est rendu compte que cette diversité qu'on voyait dans la rue, dans les cafés, au marché, partout autour de nous, on n'en retrouvait pas et de moins en moins dans les écoles en fait. Et on a créé cette association pour essayer d'agir contre ce qu'on appelle l'évitement scolaire, c'est comme ça que ça s'appelle. Un quartier réellement populaire, mais il est très très dense, c'est-à-dire que sur 6 km carrés, on a 11 collèges. Donc il est très facile, sans que ce soit un sacrifice, de trouver une façon de mettre son enfant, si le collège d'à côté ne plaît pas, ou l'école, dans une autre, de toute façon, il ne fera pas 2 heures de transport pour y aller. Il y a une vraie forme de marché scolaire. Donc voilà, nous on essaye de dire, mélangeons-nous tous, respectons un petit peu nos secteurs, demandons au pouvoir public d'équilibrer également les moyens, les compositions. Parce que bien évidemment, on a constaté que plus des établissements, et notamment des collèges, se trouvaient vers le nord de Paris, et vers les périphériques et vers la banlieue, et plus des situations de dysfonctionnement étaient tolérées. C'est quelque chose dont on a pas mal parlé, notamment pour le 93 à Saint-Denis, l'âge des profs, les non-remplacements de profs, les horaires non assurés, les bâtiments délabrés, les directions qui changent tous les ans. Et c'est ça qui crée des situations dysfonctionnantes. Et il faut un engagement des pouvoirs publics pour qu'il y ait ce qu'on appelle de l'égalité républicaine. Nos gamins du 18e doivent avoir les mêmes moyens donnés par les pouvoirs publics que ceux du 5e arrondissement. Alors nous, on l'a vu concrètement aussi, ce que ça donnait sur les deux collèges qui sont concernés par un des projets de regroupement qui sont les collèges Berlioz et Coisvox dans le 18e, puisque un des deux collèges était un collège avec un évitement très fort, donc le collège Berlioz, qui était donc fréquenté par les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. Et donc l'autre collège, situé 500 mètres plus loin, était fréquenté par des catégories socio-professionnels plus aisés. Cet évitement persistait et même empirait, ce qui faisait que mécaniquement le collège n'était pas donc occupé par des élèves habitant le quartier, mais par des élèves qu'on allait chercher effectivement de plus en plus loin, soit effectivement dans les banlieues nord donc de Paris, soit des élèves qui avaient été éjectés par ailleurs d'établissements pour diverses raisons. Et voilà, l'idée c'était qu'il fallait vraiment un acte fort pour renverser la situation. Mais même lorsque ces problèmes finalement ont disparu, les gens ne revenaient pas. Puisque c'était, bien sûr, les rumeurs persistent longtemps après les actes, ça on le sait. Donc c'est vrai que le problème était de faire revenir les gens, de les faire re-rentrer à nouveau dans ce collège qui était vraiment ressenti comme le collège pestiféré du quartier. Et des gens qui habitent à 20 mètres de ce collège, qui voilà. N'y allaient pas. C'est ça, ils sont déjà là, il ne s'agit pas de faire venir d'autres populations. Donc nous, on était directement concernés par ça. On avait des enfants qui n'étaient pas du tout en âge d'aller au collège. Mais la première des choses qu'on s'est dites, c'est qu'il faut agir. Il faut agir pour que nos enfants puissent aller dans ce collège naturellement. Donc notre objectif à nous, c'était de dire tous ces enfants qui sont ensemble à l'école depuis le début, depuis ils ont 3 ans, pourquoi ils ne pourraient pas continuer ensemble après l'élémentaire? Qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est vraiment pour ça qu'on a décidé d'agir. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, nous, on a fait savoir que on serait extrêmement intéressé si ces deux collèges-là pouvaient être les premiers à bénéficier de ce type d'effort, en fait. Sceptique, François Bon et une poignée de parents d'élèves du quartier regrettent l'absence d'un débat plus approfondi sur la question avant la prise de décision. Le constat de départ, c'est que le collège Berlioz était en grande difficulté. On était sur un collège qui était autour de 50% de résultats au brevet. Avec le fait que c'est un quartier un peu moins favorisé, peut-être moins favorisé que le nôtre. Il y a une population favorisée qui existe dans ce quartier, mais qui a complètement fui l'école publique. Parce que le collège avait été mal géré, laissé, on va dire les choses clairement, abandonné par l'éducation nationale. Et donc c'était un collège qui était complètement fréquenté uniquement par les milieux sociaux très défavorisés. Et donc l'Académie de Paris s'est dit, il faut faire un effort de mixité pour ce collège-là. En disant, du coup, on va faire une carte scolaire unique avec le collège Coisevaux et le collège Berlioz pour, du coup, créer de la mixité sociale. Nous, on est partisans de la mixité sociale, puisqu'on a fait le choix pour nos enfants de l'école publique du quartier, puisqu'on est dans un quartier où il y a cette mixité sociale. Oui, il y a des catégories favorisées, très favorisées, qui représentent à peu près 50% de la population. Et puis, il y a le reste qui sont des gens défavorisés et très défavorisés. Donc, on avait fait le choix de la mixité pour nos enfants. En revanche, ce qu'on a dit, c'est qu'on était dans un établissement qui était sur une mixité sociale réelle, mais probablement fragile, et qu'on n'était pas assez fort, nous, pour, avec cet établissement-là, créer de la mixité suffisamment, de façon suffisamment importante pour le secteur commun Coïsevaux-Berlioz. Et donc, dès le départ, nous, on a dit, très bien, on joue le jeu de la mixité, mais aidez-nous. Et prenez un troisième collège avec nous, dans ce secteur multicollège, plus favorisé, nettement plus favorisé, où là on aurait eu du très favorisé, du moyen comme nous, puisqu'en fait, dans les chiffres qu'on a fini par nous donner, la structure sociale du collège Coïsevaux était à la moyenne de Paris, et Berlioz qui était très en deçà de la moyenne. On était même sur le collège Coïsevaux, on était même sur un collège qui était en dessous en termes de résultats au brevet des collèges, on était en dessous de la moyenne parisienne. Et le collège Berlioz, quant à lui, était le dernier de l'Académie de Paris. Et quand on vous dit, en fait, on va vous mixer avec le dernier des collèges parisiens, je pense que n'importe qui, rien que le fait de dire avec le plus mauvais, de toute façon, ça peut que faire peur à n'importe quel parent, de toute façon. Oui, il faut savoir que les profs de primaire nous disaient tout sauf Berlioz. Donc, moi, j'ai même fait des faux papiers pour des gens pour qu'ils n'aillent pas à Berlioz, quoi. Je sais pas s'il faut le dire, mais bon. Voilà, enfin, c'est une réalité, quoi. Enfin, il faut le dire, il y a un moment où il faut dire que tout le monde fuyait Berlioz. Farid Boukhalifa, vous êtes le proviseur de ce collège Berlioz. Alors dites-moi, cette mixité scolaire mise en place depuis la rentrée dernière, c'était quelque chose de nécessaire ? C'est fondamental, hein. C'est même une nécessité absolue. Alors, qu'on comprenne bien, ça veut dire quoi, mixité sociale ? Ça veut dire qu'on a mélangé des bons élèves avec des mauvais élèves ? Non, on a mélangé des élèves issus de catégories socioprofessionnelles très favorisées avec des élèves donc qui étaient majoritaires à Berlioz, dont les parents étaient de milieux défavorisés ou très défavorisés. C'est deux mondes opposés, entre guillemets, qu'on réunit. Et c'est ce pari qu'on souhaite réussir et qui, pour l'instant, est très encourageant. Mon ancien poste donc était à Épinay-sur-Seine, mon collège était en REP+, et 90% des élèves venaient de la même cité qui était en face, une zone urbaine sensible. Là, la mixité sociale, elle était impossible. Sur Paris, le logement social s'imbrigue, se mêle avec des logements conçus qu'on retrouve pas ailleurs. Mais alors, la sociologie de Berlioz, avant la mise en place de cette expérience pilote en France, était à l'image de la sociologie du quartier ou pas du tout ? Pas vraiment. L'établissement a été évité par les populations dites favorisées ou très favorisées. C'est peut-être des demandes de dérogation, c'est peut-être des demandes par exemple, des classes CHAM, CHAS, etc. Et d'autres, effectivement, dans le privé. À terme, le projet, c'est aussi de faire revenir cette population qui ne souhaitait pas que leur enfant soit inscrit à Berlioz. Donc c'est vrai que le projet est sorti de terre petit à petit avec un engagement fort de la mairie du 18e. Et sur Berlioz-Coisvox, il y a eu une forte opposition et puis un comité de suivi qui a été... donc une décision au Conseil de Paris de mettre en œuvre un secteur unique avec les deux collèges réunis, avec la volonté des pouvoirs publics de réunir des parents, donc des représentants des parents, du rectorat, de la mairie autour d'une table et de faire un comité de suivi pour mettre en œuvre ce secteur et choisir ensemble la méthode de mise en œuvre de ce secteur puisqu'il y avait plusieurs possibilités. Tous les élèves de CM2 des deux collèges rentrent en 6e dans un seul et même collège. Et donc ça s'est fait dès la rentrée cette année, pour la rentrée 2017. Ce qui était spécifique dans ce regroupement, c'est que le collège Berlioz était en REP, alors que le collège Coisvox ne l'était pas. On était dans le dogme, parce qu'on a essayé de nous mentir. À la première réunion, ils avaient voulu faire une répartition sociologique du collège Coisvaux en regardant les tarifs de cantine. Donc, mieux on gagne sa vie, plus on paye cher. Et là, la répartition était en gros un tiers, un tiers, un tiers, quoi, hein, quand on a eu cette répartition-là, ces tarifs de cantine. Puis à la deuxième réunion, ils nous ont dit, hop, hop, hop, Non, on ne va pas regarder les tarifs de cantine, on va regarder les PCS ou CSP selon les termes qui sont employés. Et là, on nous a dit, vous êtes un collège très favorisé. On s'est retrouvé même dans les 25% selon certains, dans les 25% les plus favorisés de Paris. Et sur les catégories socio-professionnelles, les PCS, quand on a bien regardé ce que ça voulait dire, il faut quand même savoir que la catégorie socio-professionnelle très favorisée, dedans, vous avez les intermittents du spectacle, les maîtresses d'école ou les maîtres d'école, etc. Et en fait, à chaque fois, on avait l'impression de se retrouver coincé par des chiffres et qui étaient tout sauf notre réalité du quotidien, c'est-à-dire les classes de nos enfants, l'endroit où on habite, les logements sociaux autour de chez nous, les logements sociaux dans lesquels on habite. En fait, ça collait pas à notre réalité. Derrière ça, on nous a dit, réfléchissez à tout ça, nous vous rencontrerons à nouveau, et voilà. Et puis c'était censé être concertation, et puis voilà. Ils nous ont dit, c'est comme ça. Ouais. En fait, c'est comme ça, et ce sera à deux collèges, Marie Clio. Un truc très important, en fait, tout a commencé par les enfants qui sont rentrés un jour à 15h à la maison, nous racontant ce que les profs leur ont dit. Et le jour même, il y a une maman de la classe de ma fille qui a été inscrire sa fille dans le privé. Elle a été la première à quitter. Au moment où ils nous ont dit « ce sera ces deux collèges et aucun autre », alors que depuis déjà quelques semaines, nous demandions qu'il y en ait au minimum trois, dont un réellement favorisé et réellement avec des résultats scolaires qui donneraient du sens à cette montée par le haut de l'ensemble des enfants. Comme ils ont dit « ce sera deux collèges et point », les parents d'élèves de Koizvo avaient choisi de nous lever et de partir. En fait, si on était contre le projet, on était contre la mixité sociale. Donc en fait, de facto, on était raciste. C'est-à-dire que c'était impossible de s'opposer au projet sans être raciste. Qu'on n'était pas responsable du fait que les gens du quartier de Berlioz aient quitté leur école, qu'on n'était pas responsable de la politique de la ville de Paris qui avait laissé des ghettos se construire alors que nous, on était... Dans un quartier ultra mixte, à habiter dans des endroits super mixtes, à mettre nos enfants dans l'école publique, c'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés à jouer les casques bleus de politiques qui étaient complètement pourries depuis 15 ans. On a très bien vu la réaction très rapide de Courage Fillon dans l'école privée, c'est-à-dire les demandes d'inscription autour de nous, et on s'est dit, ça va être un fiasco, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans 5 ans, le collège Coisevaux sera le même ghetto que le collège Berlioz. Marie Ellera, vous êtes proviseur du collège Coisevaux, Antoine Coisevaux. C'est quoi comme établissement? C'est un établissement aux antipodes de Berlioz? Alors c'est un collège, un arrondissement très peuplé. Hein. Sur Paris, nous avons 3 arrondissements à forte population scolaire, le 18e, 19e et 20e. Donc tout le nord-est parisien. Le 18e, c'est là un des arrondissements où les écarts en termes de catégories socio-professionnelles sont les plus éloignés. Donc on va trouver dans le même arrondissement, effectivement, des établissements très favorisés, mixtes, très en difficulté, des REP plus. Et donc le 18e, par rapport à cette mixité sociale, est en proie à des différences sociales et scolaires extrêmement importantes. Alors Coisevaux, du fait aussi de la mobilité d'un certain nombre de populations parisiennes, les quartiers parisiens se gentrifient pour beaucoup, c'est un scoop pour personne, mais Coisevaux a ça de particulier, c'est de recruter sur, je dirais, un spectre de population relativement hétérogène, avec une population qui correspond en fait à son secteur de recrutement. C'est que sur le collège Coisevaux, il n'y a pas d'évitement scolaire. Les enfants qui doivent venir au collège sont ceux pour lesquels la sectorisation a été affectée. Donc on est en conformité, si vous voulez, avec le secteur de recrutement, tel qu'il a été défini par la mairie de Paris. Maintenant, au fur et à mesure du temps, enfin depuis quelques années, en tout cas moi, c'est ma 5e année, j'ai aussi vu l'établissement devenir, alors on était en groupe 3, les collèges sont classés en groupe. Le collège Coisevaux est passé du groupe 3, c'est-à-dire d'un collège médian, au groupe 2. Du fait de l'évolution de ces catégories socio-professionnelles. Et donc, depuis 2 ans maintenant, nous sommes classés parmi les établissements dits favorisés de l'Académie de Paris. Avec une mixité qui est une mixité aussi intéressante pour les catégories socio-professionnelles les moins favorisées. Donc voilà, il y a une mixité intéressante à Coisevaux de fait. qui aujourd'hui est à repenser avec le projet multisecteur. Un projet donc qui visait à mélanger les élèves de Coisevaux, donc 112e collège parisien, à ceux de Berlioz, 162e collège parisien. C'est une bonne idée, selon vous ? La question de la mixité sociale, quand on est un militant ou une militante de l'école, de mon point de vue, ne se pose pas. On sait, les études le prouvent, que les établissements ghettos, les enfants ont moins de chances de réussite que dans des établissements plus hétérogènes. Donc pour moi, cette question de fond, elle ne se pose pas. Ce projet a soulevé beaucoup d'interrogations, beaucoup de passions aussi. Dès qu'on touche à l'école, on touche aux enfants. Et quand il s'agit des parents, à leurs enfants. Et donc on touche à quelque chose qui est aussi un peu de l'ordre de l'affectif, hein, voire de l'irrationnel. Avec cette peur accrue, dès qu'on touche à l'école, on touche aussi à une certaine forme d'anxiété par rapport au devenir. On avait essayé, nous, de combattre tant qu'on pouvait. Après, il a fallu aussi qu'on prépare la rentrée. Moi, j'ai eu la sensation d'une prise d'otage, et comme ils font ce qu'ils veulent, j'ai pas envie d'être dans l'incertitude de ce qui va se passer, de ce qui va arriver à ma fille. Donc moi, nous, on a fait le choix du privé. C'est dur, hein, ça a été très dur de faire ce choix. Enfin, moi, franchement, c'est hyper violent, et ça l'est encore. J'ai pleuré le jour où j'ai mis ma fille dans le privé. Non, le jour de la rentrée cette année, j'ai pleuré, parce que c'est pas ce que j'ai voulu. J'ai toujours été dans le public. Mon fils est resté dans le public, il est resté à Coisevo. Le fait qu'on nous l'impose était, prise d'otage, c'est la seule chose qui, l'expression politiquement correcte. Et à la fois, comment dire aussi, eux ils sont défavorisés, on les laisse crever. Enfin, c'est très compliqué aussi. C'est ça qu'on nous reproche aussi, c'est de dire, vous êtes à côté d'enfants qui sont plus en difficulté que les vôtres. Voilà, c'est vrai, c'est un fait. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Alors, c'est vrai que ça repose quelque part sur nous. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'on est en pleine culpabilité. On est totalement coupable. C'est exactement ça qui était très dur, parce que quand on leur disait, mais attendez, on comprend bien qu'il faut le sauver, évidemment, ce collège. Évidemment. Mais d'abord, c'est pas nous qui avons mis le collège Berlioz dans cette situation-là. Les profs, ils vont se tirer. Il y en a déjà qui sont partis l'année dernière. 5 ou 6 qui sont partis l'année dernière. C'est des gens qui ont fait, comme tous les profs, le début de leur carrière en banlieue, qui ont bossé en REP. Hein. Et on le voit bien qu'ils sont capables de gérer des classes difficiles. Mais ils disent, mais moi, j'ai mis mes points pour avoir ma mutation à Paris. C'est pas pour revivre ça une nouvelle fois. Donc, ils vont partir. Donc, et nous, probablement que certains d'entre nous, on va partir aussi. Et là, à l'arrivée, on aura mis 2 collèges au tapis. Et la belle affaire. Moi, ce qui me pose question, c'est la réussite. C'est-à-dire que nous sommes en devoir de réussir la question de la mixité, et que pour la réussir, on ne peut pas soustraire le débat et ne pas essayer de comprendre où sont les résistances. Et ce débat a trop souffert de clivage, a trop souffert d'opposition des communautés les unes contre les autres. Donc il y a eu, le projet se fait, il se fait alors avec des tensions qui sont apaisées, mais on sent bien que c'est pas du tout gagné. Et je pense que nous vivons dans une société où, quand on n'est pas d'accord, on est contre. Et quand on a, par exemple, des propositions à avancer sur le calendrier, sur la méthode, sur la communication, sur les modalités d'affectation des élèves, on est contre. Et ici, les enseignants, parce que je les connais bien, parce que ça fait longtemps que je travaille avec eux, parce que je connais leurs valeurs, ont effectivement pu être... se sentir blessé, se sentir malmené, parce que le débat était clivant. Quand on parle de mixité sociale, quand on parle de l'école, les passions se déchaînent facilement. Alors après, je ne nie pas non plus que, effectivement, les enseignants arrivent du 9-3, alors ça c'est une réalité, hein, vous savez, il faut que ça fonctionne en points, les mutations, donc ils ont tous leurs points, ils les ont livrés, donnés pour entrer à Paris, ou des conditions de travail du point de vue de l'enseignement, du rapport à l'élève, sont de leur point de vue meilleurs. Ils se disent, moi j'ai quitté le 9-3 parce que je voulais avoir un peu de confort professionnel et je me fais rattraper par un projet de mixité scolaire. Donc ça a été à la marge. Je dis à la marge parce que, je répète, je connais la valeur de mes enseignants. Parce que la question de la mixité scolaire, alors il y a le projet aujourd'hui, il est acté, mais le travail ne fait que commencer. C'est-à-dire penser ou considérer à tort que l'on aurait réussi un projet de mixité parce qu'on a réussi à brasser des populations, La mixité sociale, ce n'est pas mettre des enfants les uns à côté des autres dans l'école et penser que parce qu'ils fréquentent la même école, la mixité sociale est là. C'est que s'il y a la pédagogie et l'accompagnement différencié de la pédagogie à d'autres, à une pédagogie rénovée, à un projet éducatif qui doit être une priorité dans l'acceptation des enfants entre eux. Je veux dire que derrière, il y a des parents et qu'on assiste parfois à la reproduction, finalement, des différenciations sociales aussi. C'est pas forcément, je veux dire, les enfants, voilà, plus favorisés qui s'en prendraient. C'est des deux, je veux dire, par là, c'est de part et d'autre, hein. Les enfants, voilà, s'imprègnent aussi de ce qu'ils entendent. Et, l'école a aussi pour mission, une fois que ce projet de mixité, a eu lieu, bah, de faire vivre la mixité en tant que réalité sociale. C'est d'autant plus important d'y veiller que je suis convaincue qu'on n'oblige pas des personnes à faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire. Donc ce qui a été négocié par le comité de suivi, c'était des moyens supplémentaires, une dotation budgétaire supplémentaire qui faisait que les deux collèges avaient exactement les mêmes moyens, un certain nombre d'aménagements, de travaux, une sécurisation aux abords des établissements, etc. Et on a obtenu à peu près tout ce qu'on voulait. Les résultats ont été très positifs tout de suite. On a effectivement vu au sein de la, enfin en matière de composition sociale des deux établissements, que le fait d'avoir mélangé tous les sixièmes, évidemment, avait rééquilibré tout de suite la composition des deux collèges. Ce qui est assez étonnant, c'est que ça vienne des parents d'élèves. Oui et non, parce que c'est parti d'un projet ministériel au départ, quand même. Mais il fallait qu'il y ait un acte volontariste des élus locaux pour que ça se fasse. Et là, il y a eu effectivement immensément moins de volontaires que ce qu'on aurait souhaité. Il s'agissait du projet d'un ministère socialiste dans une ville où trois quarts des mairies d'arrondissement sont socialistes et où finalement, il y a eu deux arrondissements qui sont bougés. Franchement, c'est pas très... Alors, il faut aussi savoir qu'en France, il y a quand même eu 80 projets, je crois, qui sont montés. Mais c'est plus facile de laisser faire. Plus on s'approche des élections et plus c'est compliqué de faire bouger. Et ça, on l'a senti. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que par contre, il y a un moment, il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidé. C'est le moment où on a réussi à obtenir des chiffres de composition des secteurs de collège. Bah, finalement, nous, dans le 18e, on est à un arrondissement où, de mémoire, 28% des collégiens sont défavorisés. En France, c'est aux alentours de 34%. Donc, bah, voilà, à partir de ces chiffres-là, bah, ça a aidé aussi à convaincre des politiques, à convaincre des parents, montrer que c'était possible. Il faut le montrer, hein, que c'est possible. C'est ce qu'on fait, là, ici. Bah, maintenant, il est peut-être temps de dire, si vous ne le faites pas, l'État va vous l'imposer, va le faire pour vous, peut-être. Donc, voilà, on peut créer un cercle vertueux, mais c'est vraiment de la politique et il serait réellement temps qu'on s'en occupe. Et quand on sait qu'il y a des parents qui s'étaient élevés contre, et même pour certains assez violemment, c'était 100-200 parents à peu près sur plus de 2000 familles. Donc il faut tenir compte des oppositions, c'est vrai, c'est normal et c'est démocratique. Il faut aussi ne pas perdre le sens des proportions. Alexandra Cordobar, vous êtes actuellement maire du 10e arrondissement de Paris, mais à l'époque où s'est mise en place cette expérience de mixité scolaire entre les collèges Coisevaux et Berlioz dans le 18e arrondissement, vous étiez en charge de la mairie de Paris de la question des collèges. Est-ce que finalement, vous avez réussi à concilier ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre cette expérience ? C'est petit à petit, en montrant, disons, et en garantissant les moyens supplémentaires, que nous avons réussi à convaincre le maximum de parents. D'abord, pour l'essentiel, l'Académie a pris des engagements d'ajouter des heures d'enseignement, ce qui amène à permettre des classes à 25 partout dans chacun de ces collèges, ce qui amène également à avoir davantage de personnel administratif, ce qui, comme vous le savez, est très important dans les établissements et permet d'accompagner au mieux la scolarité des enfants. Et puis, nous avons mis des moyens en argent, puisque la ville a doté l'ensemble de ses établissements de moyens pour développer des projets pédagogiques qui soutiennent la réussite des enfants. Et enfin, nous avons suscité avec soit de grands établissements culturels, soit de grands établissements scientifiques, soit encore de parcours sportifs spécifiques, ces établissements pour qu'ils puissent redevenir attractifs pour l'ensemble des parents de la classe moyenne également. Donc du coup, nous avons créé là plusieurs établissements avec un profil un peu pilote qui à la fois doivent permettre d'embarquer les enfants qui sont les plus en difficulté en leur permettant d'étudier avec des enfants qui ont plus de facilité et à la fois leur donner des opportunités importantes. Parce que l'école publique a cette vocation même de permettre à tous les enfants d'une classe d'âge et d'un quartier de grandir ensemble. Ce que nous a démontré l'expérimentation, c'est que les craintes d'une hémorragie vers le privé, de familles qui disaient on n'ira pas, le temps passant, les échanges, la présentation du dispositif, la rencontre des personnes, la visite des locaux, ont montré qu'il y avait des choses rassurantes. On y a mis les conditions aussi éducatives, on a aligné les moyens des deux établissements, on a enrichi l'offre, et finalement, ceux qui y sont allés n'ont pas eu le sentiment d'être perdants. Et c'était ça qui était important, parce que finalement, les premiers promoteurs de ce qui se fait là, ce seront les élèves et leurs familles lorsqu'ils en sortiront. Et je pense qu'on n'a pas à craindre de départ à l'issue de cette première année. Julien Grenet, vous êtes chercheur au CNRS et chercheur à l'École d'économie de Paris. Vous êtes en quelque sorte la pièce maîtresse de cette expérience menée dans le 18e arrondissement. Vous êtes en charge de l'évaluation de cette mesure, de cette expérience en tout cas. Alors c'est vrai que j'ai accompagné depuis le début cette expérimentation et depuis la mise en œuvre de l'expérimentation, un suivi assez précis de l'évolution de la situation localement, c'est-à-dire la composition des collèges, l'évitement vers le privé et une participation régulière aux comités de suivi qui ont été mis en place dans ce secteur. Alors il y a des pour, il y a des contre, ça a déchaîné des passions. C'est vrai que les premières réunions ont été très compliquées. Il y a eu une certaine précipitation dans les annonces du rectorat et de la mairie de Paris. Mais depuis la rentrée, on constate quand même que les choses se sont beaucoup apaisées. Et en grande partie parce que cette expérimentation a produit des résultats assez rassurants. Contrairement à ce que craignaient certains, on n'a pas du tout constaté une fuite massive vers le privé. On a assisté au contraire, au retour vers les collèges publics. Pour vous donner une idée, parmi les catégories sociales favorisées, seuls 20% mettaient leurs enfants dans le collège public de secteur. Cette année, à la rentrée, cette proportion est passée à 60%. Et globalement, Le recours au privé a été divisé par deux dans l'ancien secteur Berlioz. Donc d'une certaine manière, l'expérimentation a permis de faire revenir vers l'enseignement public des parents qui l'avaient fui depuis de nombreuses années. Ils le fuyaient simplement parce que le collège était devenu un collège ghetto, avec plus de 50% d'élèves défavorisés, quand dans le quartier, on n'en a pas plus de 25-30%. Et donc beaucoup de ces parents faisaient le choix du privé, mais à contre-cœur dans certains cas, en disant « mais écoutez, vous me proposez une alternative impossible. Si vous me proposez un collège public fidèle à la composition mixte du quartier, mais pas ghetto, j'y mettrai mes enfants. » Et c'est bien ce qu'on a observé cette rentrée. Alors vous parlez de ghetto de riches et de ghetto de pauvres. Moi, j'utilise volontairement ce terme de petit noir ou petit arabe, alors qu'ils sont tous français, mais dans l'imaginaire des parents, moi, j'ai senti qu'il y avait ça derrière. Oui, non, il ne faut pas se voiler la face, cette dimension. Ces deux dimensions sont très fortement corrélées. Moi, j'ai une approche de statisticien qui s'appuie sur les données essentiellement de revenus et d'origine sociale, puisque en France, il n'est pas possible de recueillir des statistiques ethniques. Mais on sait bien que ces dimensions sont corrélées. Donc les collèges ghettos sont aussi des collèges qui accueillent très peu de blancs en général. Donc ces dimensions sont vraiment étroitement liées et jouent beaucoup dans l'imaginaire des parents. Donc on a créé des ghettos qui renforcent l'échec scolaire, alors qu'à Paris, on aurait tout à fait les moyens de ne pas avoir un seul collège éducation prioritaire. C'est presque une aberration, étant donné la composition sociale globalement très favorisée de la ville de Paris. Alors pourquoi ça existe ? D'abord parce que donc la carte scolaire des collèges, elle se superpose à un tissu urbain qui est très, très différencié. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une rue à l'autre et être dans des quartiers complètement différents. Et évidemment, les collèges sont aussi représentatifs en partie de la composition des petits quartiers dans lesquels ils sont implantés. Et donc, cette carte scolaire produit en elle-même de la ségrégation. Et puis vient se superposer à ça, évidemment, tous les phénomènes d'évitement. Et à commencer par l'évitement vers le secteur privé, qui est massivement subventionné et qui accueille aujourd'hui un tiers des collégiens à Paris. Et un tiers de collégiens extrêmement favorisés. Donc, pour vous donner une idée, la proportion d'élèves défavorisés dans les collèges privés à Paris, c'est 3%. Dans le collège public, c'est 23%. Et donc évidemment, ça contribue massivement à la ségrégation sociale. Marie Alléra, cette mixité scolaire imposée à votre établissement et au collège Berlioz, ça veut dire que tous les élèves de 6e sont arrivés dans votre établissement, un collège mieux coté si j'ose dire, et qu'à la rentrée prochaine, tous les 6e iront à Berlioz, le collège le moins bien coté. Alors comment s'est passée cette première rentrée ? On a observé, on travaille avec Julien Grenet, hein, et on observe un peu comment les populations, la population scolaire s'est comportée à cette rentrée. Et en fait, il s'est passé un phénomène auquel on ne s'attendait pas. C'est-à-dire que les PC favorisés qui traditionnellement venaient à Coisevaux, alors pour une partie ne sont pas arrivés, partie dans le privé, hein, clairement. Et en fait, les départs de ces PC qui traditionnellement arrivaient jusqu'à nous, qui sont partis dans le privé, nous avons assisté en fait à des retours du privé vers le public du côté du secteur nord. Ce que j'appelle le secteur nord, c'est le secteur où Berlioz recrutait ses classes de 6e. Donc en fait, on a compensé le départ de nos PSC favorisés, d'une partie en tout cas, avec des PSC favorisés qui étaient dans le privé, à l'école élémentaire, qui sont revenus du public parce qu'on les changeait d'établissement. Donc c'est très fragile, c'est-à-dire qu'il faut qu'on observe vraiment si l'an prochain, puisque toutes les classes de 6e rentreront au collège Berlioz, il faut qu'on observe vraiment s'il y a une adhésion au projet, ou si c'est parce que c'était Coisevaux que les enfants sont arrivés. Auquel cas, ça voudrait dire qu'effectivement, la question de la crainte d'un établissement, parce que clairement c'est ça, la crainte d'un établissement, n'aura pas été réglée. Alors, il est réussi cette année, enfin la mixité scolaire réussit cette année, puisqu'elle s'est faite de manière totale et complète. Écoutez, tous les enfants de 6e sont arrivés ici. Mais enfin, il faut le recul en tout cas d'un an pour savoir si vraiment on est sur quelque chose de stable. Si vraiment les populations, la population scolaire, elle se déplace de la même manière à Berlioz qu'à Coisevaux. Cette expérimentation, elle est pilote, non seulement sur Paris mais sur la France. Et que quelque part, on n'aurait presque pas le droit de se tromper. Donc c'est d'autant plus important de bien mesurer les risques aussi pour en limiter l'impact. Le projet sera évalué de manière précise quand cette cohorte-ci arrivera à fin de 3e. Bon, donc on s'est doté d'un certain nombre d'indicateurs, d'un tableau de bord, par exemple le taux de réussite au DNB, par catégorie socioprofessionnelle, le nombre de mentions, le taux d'accès aux 3 premiers vœux en classe de seconde, en termes de climat scolaire, comment se sentent les enfants, quel est le rapport à l'adulte. Donc on a construit toute une batterie d'indicateurs pour pouvoir suivre les progrès et l'évolution des enfants. Après, c'est vrai que sur l'aspect social des choses, la difficulté que nous avons cette année, accueillir toute une cohorte d'enfants, donc 217 élèves de 6e, c'est très important. Alors, l'Académie de Paris nous a doté d'un deuxième poste de CPE, ce qui est quand même un grand plus pour le projet éducatif. Maintenant, sur le fait d'accueillir un si grand nombre d'élèves, puisque c'est la montée alternée, c'est les modalités de montée alternée qui ont été choisies pour ce secteur. Une année où nous accueillons le 6e, l'année d'après, c'est le collège Berlioz. Mais avec quand même, alors ça crée une mixité immédiate. Mais l'an prochain, je n'ai pas de 6e. L'année d'après, j'en ai un nouveau. Donc si vous voulez, en termes de continuité pédagogique sur le cycle 3 avec les écoles élémentaires, c'est compliqué. C'est compliqué aussi pour nous cette année de ne pas avoir de 3e. Voilà, donc la montée alternée et complexifie grandement, si vous voulez, le débat sur la mixité. Ça vient surajouter aux freins et finalement à la résistance de certains sur ce projet. Les études, la recherche montrent que les élèves d'origine sociale favorisée réussissent bien où qu'ils soient. Mais qu'en revanche, tout ce qui est compétence sociale, acceptation de l'autre, capacité à travailler avec des personnes de milieux différents, ça s'apprend à l'école aussi. Par ailleurs, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que, évidemment, c'est apprendre dans de bonnes conditions, ça suppose qu'on n'est pas, on ne soit pas dans un collège ghetto. Donc c'est bien ça l'objectif de ces expérimentations, c'est de rétablir un équilibre où ça se passe bien. Il y a certains collèges comme ça à Paris et ils ne posent aucune difficulté, ni en termes d'évitement, ni en termes de résultats au brevet. Et personne ne s'en plaint. Parce que les parents qui sont contre disent, parce qu'on parle de travail en groupe ou les bons élèves tireraient les mauvais élèves vers le haut, bah ils disent, bah non, mon enfant n'est pas à l'école pour tirer un mauvais élève vers le haut, il est à l'école pour apprendre, et que ces pédagogies différenciées, on n'est pas là pour la subir. Oui, sauf que je crois qu'il y a une grande exagération sur cette pédagogie différenciée, parce que les élèves qui ont ces difficultés, en général... quand on arrive à avoir des compositions équilibrées, ils ne sont pas en si grand nombre que ça. Et pourvu qu'ils soient bien répartis entre les établissements, entre les classes, on peut arriver à 3, 4, maximum 5 élèves par classe dans ces conditions. Ils ne vont pas tirer toute la classe vers le bas. Par ailleurs, je crois que ces parents ignorent le fait simplement que leurs enfants, en réalité, ont à apprendre aussi de ces élèves de milieux différents. C'est des compétences sociales qui sont essentielles ensuite dans la vie d'adulte. C'est-à-dire... Des parents qui espèrent que leurs enfants un jour travailleront à l'étranger peuvent mesurer l'importance de pouvoir s'adapter à des milieux différents et ne pas avoir vécu dans l'entre-soi de l'âge de 5 ans jusqu'à l'entrée dans la vie adulte. L'école, c'est apprendre évidemment des connaissances scolaires, mais c'est aussi des compétences sociales qui nécessitent quand même d'être dans un environnement socialement varié. Donc agir sur la sectorisation... créer des secteurs multicollèges quand c'est possible, c'est un moyen d'agir. Évidemment, cette solution, elle marche dans des villes où on a des quartiers très hétérogènes, très différenciés, à quelques centaines de mètres les uns des autres. Ce n'est évidemment pas une solution viable dans des zones qui sont uniformément défavorisées. Si on pense, par exemple, à la Seine-Saint-Denis, là, il faut évidemment une politique de l'habitat, de l'aménagement du territoire, et il faut également... une politique de différenciation des moyens vers ces établissements défavorisés. Alors, le bilan, on l'aura dans 3 ans, puisque rentrée 2017, premier round, il faut attendre que les élèves sortent de 3e pour évaluer cette expérience. En fait, il y a bien d'autres indicateurs qui nous permettent tout au long et tout au fil de cette expérimentation de mesurer les bénéfices. Il y a d'abord ce qu'on appelle aujourd'hui des enquêtes de climat scolaire. Parce que l'idée de la mesure de la réussite, il était avec une double entrée. L'entrée réussite scolaire, évidemment, il ne faut pas que ça pénalise les élèves en situation de réussite. Et il faut qu'on prouve que ça peut bénéficier aux élèves les plus fragiles. Mais il y a aussi la capacité des élèves à vivre avec les autres. C'est-à-dire comment ça se passe en termes de climat scolaire. Et là, on questionne les élèves pour savoir comment ils vivent leur scolarité. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est ségrégué? Est-ce qu'il y a des bandes? Est-ce qu'il y a des affrontements? Est-ce qu'il y a du racket? Est-ce que vous entendez bien avec les autres? Comment, en tant que futurs citoyens, ils vivent dans une société mixte en tant qu'enfants ou dans une classe mixte ou dans une école mixte? Et je crois qu'assez rapidement, on pourra mesurer au fil de l'expérimentation, quasiment année après année, les effets de ce que produit cette expérimentation. Vous proposez des questionnaires aux enfants, c'est ça? Alors, il y a des chercheurs, parce que l'expérimentation, elle s'est faite dans au moins plus de 60 territoires nationaux, et donc des chercheurs qui font des études à grande échelle sur les effets produits par cette mixité. Un groupe de chercheurs de Sciences Po et puis l'École d'économie de Paris avec Julien Grenet. Donc eux, ils vont mesurer les choses de façon un peu méta. Et nous, localement, on a la possibilité, à travers des outils académiques ou même des outils nationaux sur les enquêtes de climat scolaire, d'interroger les élèves. Et c'est toujours très intéressant d'objectiver le ressenti, parce qu'on peut avoir l'impression que les choses se passent très bien et que c'est plus complexe en réalité. Et puis parfois on pense que ça se passe mal. Et quand les enfants le disent dans des conditions qui répondent de façon anonyme d'ailleurs, eh bien on s'aperçoit que ce qui nous renvoie, c'est pas forcément ce que pensent les parents. Et ça, c'est un bon outil de mesure. Qu'est-ce que les enfants, eux, parce que c'est quand même les premiers concernés, qu'est-ce qui remonte de ce que les enfants vivent depuis cette rentrée 2017, justement ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on, en participant au comité de suivi, ce que j'en entends, c'est que c'est vrai qu'avant la mise en place de l'expérimentation, des deux côtés, les deux collèges qui ont été réunis, il n'y avait en fait pas une volonté de se mélanger. Y compris parmi le collège défavorisé, le collège Berlioz, les enfants disaient « mais nous, on ne veut pas aller se mélanger avec eux, ils ne veulent pas de nous ». Et ce qui est intéressant à la rentrée, pour avoir parlé notamment avec le principal du collège, Berlioz, il m'a expliqué que la grande crainte, c'était que se reproduise dans la cour de récréation une ségrégation par clan en fonction de l'origine du quartier, etc. Et ce n'est pas ce qu'on a observé. En réalité, évidemment, les élèves restent copains avec leurs camarades d'école élémentaire, en grande partie, mais de nouvelles amitiés se forment. Et en réalité, les élèves se mélangent. Et ne restent pas en fait enfermés dans leurs groupes, les groupes sociaux qui s'étaient constitués à l'école élémentaire. Donc ça, c'est plutôt en fait, je pense, une source d'espoir. C'est-à-dire que les angoisses vécues par certains parents sont contredites par le vécu de leurs enfants. Et c'est ce que même les parents racontaient. C'est parmi les plus angoissés à l'idée de cette expérimentation. Beaucoup, en fait, ont fait part de leur surprise, de dire mais en fait ça se passe très bien. Et eux-mêmes maintenant souhaitent convaincre les générations suivantes et les parents aujourd'hui à l'école élémentaire de suivre cette voie. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir une vision angéliste de la mixité, c'est-à-dire que la recherche est beaucoup plus prudente là-dessus. Ce qu'elle montre plutôt, c'est que la mixité scolaire, ça permet de tirer effectivement les résultats des élèves les plus défavorisés, mais pas non plus dans des proportions démentielles. Pour les élèves favorisés, c'est assez neutre. Un élève favorisé, où qu'il soit, il réussit très bien. C'est le déterminisme social, mais ça fonctionne comme ça. En revanche, là où la recherche montre des résultats très probants, c'est sur tout ce qu'on appelle les compétences non cognitives, les relations sociales, le psychosocial. Ça, c'est fortement influencé par le contexte dans lequel on a été scolarisé. Et ça, c'est quelque chose qui a des effets positifs. On l'a vu aux États-Unis, beaucoup d'expérimentations qui ont été menées dans les universités américaines, par exemple, on essaie de mélanger des Afro-Américains avec des Blancs dans les dortoirs de l'université et voir ce que ça produit. Et plus tard, ça change réellement les attitudes des uns avec les autres, une meilleure acceptation. Et c'est, disons, pour la cohésion sociale, quelque chose de bénéfique. La différence, peut-être, c'est qu'aux États-Unis, l'ascenseur social, c'est le système capitaliste qui prodigue. En France, c'est l'école. C'est peut-être pour ça que ça déclenche autant de passion. C'est que le seul ascenseur social, ici, c'est l'école. Oui, mais cet ascenseur social, en fait, il obéit à des règles très complexes, en réalité. Et c'est malheureusement, c'est les insiders du système qui en maîtrisent les subtilités, les classes préparatoires, les bonnes filières au lycée, etc. Et ça, c'est un des effets d'avoir ces collèges ghettos. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'élèves qui sont privés de cette information, qu'ils pourraient obtenir simplement en étant en contact avec ces élèves de milieux différents. « Ah, je ne savais pas qu'il y avait tel métier qui correspond vraiment à mes envies. » Et ça fait partie des choses, en dehors de l'apprentissage scolaire, qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire les contacts, les réseaux, et après, plus tard dans la vie, des amis qui pourront aussi aider à s'insérer de façon plus efficace sur le marché du travail. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on veut favoriser la mixité. L'école républicaine fabrique les inégalités sociales, une mixité imposée par l'État. Avec Halil Belawaïda, Arab Kaïma, Luc Femme, les membres du collectif Apprendre Ensemble, François Bon et les parents opposés au projet, Farid Boukhelifa, Marie Galera, Alexandra Cordobar et Julien Grenet. Merci à Timothy Bonny pour son aide précieuse et à Gwen Michel de l'INA. L'école républicaine fabrique les inégalités sociales. Réalisation Vincent Deck. Attaché de production Arivona Bolivier. Coordination Perrine Carran. Un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire.